Deuxième partie. Chapitre 1. Le grand renouveau. Le lendemain, les rayons violets étaient reconquis et l'humanité recommença son périple. Le feu reparut dans les foyers, dans les hauts fourneaux, dans la brousse, sur la savane. Les bateaux électriques reprirent leur course sur la mer retentissante. Les voitures encombrèrent les villes. Les aéroplanes sillèrent dans l'étendue. Le téléphone et le télégraphe, les ondes hertziennes, rassurèrent les multitudes. On commença d'évaluer l'étendue du désastre. Un tiers des hommes, un quart des animaux domestiques, dans les dernières forêts vierges, quelques myriades de bêtes carnassières et plantivores avaient succombé. Parmi les races blanches, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne avaient subi les plus rudes pertes. La population germanique de 75 millions d'hommes était descendue à 46. Il n'y avait plus que 65 millions d'hommes aux États-Unis, 39 en Angleterre. Moins éprouvée, l'Italie voyait sa population réduite à 30 millions d'hommes, la Russie à 90 millions, l'Espagne à 15 et la France à 34. Mais à Paris et le long du littoral méditerranéen, l'hécatombe se décelait exceptionnelle. Sur 4 millions d'habitants, Paris en perdait 1500 000. Marseille était diminuée de moitié, Nice des deux tiers. Pendant quelques jours, ces pertes parurent irréparables. Mais quand les survivants commencèrent à se rassurer sur leur propre sort, elles causèrent plus de bien-être que de chagrin. Les mères seules, beaucoup de pères, telles créatures fidèles, subissaient des regrets profonds. Les autres connaissaient l'indifférence ou la joie sournoise qui suit la mort du prochain. D'innombrables héritages firent du désastre une vaste fête pour des millions de légataires. Les villes ayant plus souffert que les campagnes, la question sociale se trouva temporairement résolue. Il y eut du travail pour tous, et grassement rétribué. Il y eut des biens disponibles en abondance. Le fisc s'enrichit au point qu'on put réduire les impôts, entreprendre d'énormes travaux publics et secourir grassement les miséreux. La cause du cataclysme demeurait mystérieuse, encore que les conjectures pullulassent. La plupart des savants se ralliaient à l'hypothèse d'un immense flux d'énergie venu des abîmes interstellaires qui avait balayé notre planète, et peut-être aussi Mars, Vénus, Mercure, le Soleil même. La nature de cette énergie échappant à toute conception, l'hypothèse n'expliquait rien. Personne ne pouvait imaginer pourquoi son effet avait été de réduire ou d'annihiler la plupart des énergies connues. Aussi, quelques penseurs proposaient-ils l'hypothèse contraire. Ce n'était pas, selon eux, un flux énergétique qui avait passé, mais un torrent d'éther particulièrement avide d'énergie et qui, par suite, avait absorbé la lumière, le calorique, l'électricité à dose massive. En somme, d'après les uns, il s'agissait de forces antagonistes, d'après les autres, d'une capture de force. La théorie de ces derniers était contredite par la rapide reconstitution des énergies terrestres. Une température estivale succédait au froid des jours néfastes. Le magnétisme semblait accru. Les actions chimiques se manifestaient avec un surcroît de vivacité, qui, dans maints cas, causèrent des accidents, et qui exigeaient dans les usines et les laboratoires un surcroît de précaution. Tout se passait comme s'il y avait une épargne de forces vives. L'immense majorité des survivants dédaignait ces discussions savantes. Un merveilleux renouveau grisait les âmes. Les joies les plus simples prirent une intensité miraculeuse. La douceur de l'existence supprimait presque les haines, les jalousies et les froissements qui assombrissent les jours de l'homme. Ce bonheur, Langres, Sabine et Méral, le goûtaient dans sa plénitude. Ils s'étaient réfugiés à la campagne, dans un site frissonnant d'eau, d'arbres et d'herbages. La maison s'élevait, trapue et rébarbative, enveloppée de jardins. Un colonel de Spahis, en retraite, l'avait fait construire d'après ses propres plans, à son retour d'Afrique. Elle avait des airs de forteresse, mais à l'usage, elle se décelait spacieuse et confortable. Trois jardins produisaient une variété surprenante de fruits et de légumes, en même temps que des arbres de haute stature, des fleurs en surabondance et des herbes vives. Elle appartenait à la fille du colonel, créature abrutie qui, l'ayant prise en grippe, ne pouvait se décider à la vendre, et la louait pour un morceau de pain. Le colonel avait bourré les bibliothèques de livres achetés dans les châteaux avoisinants, et de meubles hétérogènes. La lumière pénétrait par une multitude de fenêtres, et l'on discernait, au-dessus des clôtures, un pays de vieille France, aux ondulations élégantes, où les emblavures et les pâturages alternaient avec des futaies. Des collines charmantes enveloppaient les sites et s'échancraient à l'occident, riches en fêtes crépusculaires. Parmi les hêtres et les tilleuls, deux fontaines formaient un rio qui mêlait au jardin sa voix et sa jeunesse. C'est là qu'ils se reposèrent dans le renouveau du monde. Gérard y avait fait trimballer des instruments de physique et de chimie. Encore que, pour l'heure, Méral et lui compulsassent plutôt leurs notes et y cherchassent désespérément quelque explication du fléau qui avait ravagé la terre. Ces travaux ne les accablaient point. Ils puisaient l'allégresse à la même source où la puisaient Sabine, les enfants, les domestiques, tous les hommes du village, et même les animaux. Car les vivants semblaient recevoir quelque chose de ce surcroît d'énergie qu'on constatait dans les phénomènes. Les malades eux-mêmes goûtaient on ne sait quel miel de bonheur, qui adoucissait leurs souffrances et enchantait leur répit. Souvent, la famille s'embarquait sur l'Yonne dans un canot pesant que menait un villageois taciturne. À tous les détours du rivage, la beauté déployait ses prestiges. Une île plantée de joncs, de saules et de peupliers évoquait les Robinsons. Des havres abritaient une armée de glaives verts. Parmi de longues plantes fluviatiles, les poissons menaient leur vie agile et froide. L'herbe croissait monstrueusement. De longues bandes de corbeaux, nourries par le désastre, passaient avec des clameurs de guerre. Alors Méral cessa de lutter contre sa tendresse. Il la laissait croître, remplir ses jours comme un fleuve inépuisable et former la substance de ses rêves. Qu'importait l'avenir? S'il le fallait, Georges acquitterait en peine les jours de son enchantement. Du moins aurait-il passé par la porte d'ivoire, érodée au jardin féerique. Pendant longtemps, la claire Sabine, à l'abri du peuple ennemi, des mâles, n'écouterait aucune voix. Elle était à l'heure de son plus grand charme. La soie brillante de sa chevelure semblait s'être accrue encore. Son cou, naguère frêle, avait l'éclat, la rondeur et le rythme. La forme de ses joues était parfaite. Il s'échappait de ses yeux frais une lueur de renouveau qui faisait s'élever devant Méral toutes les créatures passionnantes de la fable. Quand la famille débarquait sur la rive, tandis que la servante tragique disposait le goûter, il semblait à Georges qu'il formait un groupe étrangement uni, et par le souvenir des épreuves subies en commun, et par quelques liens indéfinissables, qui se resserraient chaque jour. Un grand chien que Langres avait acquis à Sens participait à l'intimité. Il souffrait étrangement lorsqu'on prétendait le laisser seul à la maison. Son absence était une petite peine pour les adultes comme pour les enfants. Même le vieux jardinier qui logeait dans une annexe au fond du potager et son petit-fils garçonnet aux cheveux d'argent, à peine teinté d'un reflet paille, montraient un plaisir extrême à se rapprocher de la famille. L'on eût dit que la chèvre et l'âne éprouvaient une inclination analogue. 3 semaines s'écoulèrent. On avait dépassé le solstice. C'était le temps des larges crépuscules. Certains soirs, assis sur la terrasse d'où l'on apercevait l'Yonne, pleine des beaux mensonges que lui contaient les nuages après le départ du soleil, certains soirs on avait le pressentiment de l'aube au teint de perles, alors que l'effet du déclin répandait encore leur enchantement. La chaleur était extraordinaire. Elle dépassait de loin celle des années les plus ardentes. Elle n'accablait point. Il y avait dans les veines une fièvre gaie, qui se plaisait aux hautes températures. Hommes et animaux goûtaient une volupté surprenante à marcher sur les prairies chaudes ou le long des chaussées rôties. Chose plus bizarre, ni l'herbe, ni les feuilles, ni les fleurs n'en souffraient. Il est vrai que chaque jour l'orage tenait pendant une longue heure et ruisselait en déluge. C'est le temps brûlant du chien, de l'astre Sirius, que redoutait Virgile, dit un matin Langres, qui se promenait dans les jardins avec Georges et Sabine. Le chien nous est propice, répliqua Méral avec un sourire. Il est étrangement... Nous devrions être harassés plutôt par la chaleur, tantôt par les orages. Au rebours, une allégresse surprenante anime tout ce qui rampe, marche ou vole. Allez, nous ne sommes pas sortis du mystère. Le vieillard fronça ses lourds sourcils, de cet air d'impatience qui lui était naturel, mais la joie le tenait malgré lui. Je suis captif de l'heure, grommela-t-il. Jamais, même lorsque la tumultueuse jeunesse brûlait mes veines, je n'ai connu ce bonheur. Nous le paierons, fit-il avec un retour d'inquiétude. Nous avons payé, rétorqua Georges. Puis, remarquez-vous ce besoin d'être ensemble que ressentent les gens du village et que nous partageons? Regardez. Les enfants et Césarine les avaient rejoints. Catherine était sortie de la maison et se rapprochait du groupe. Le chien sautelait autour d'eux, la chèvre accourait avec un bêlement, et l'âne dans son étable poussait un cri d'appel. De toutes parts picoraient les poules, voletaient les passereaux, les ramiers, les pigeons. Le crapaud montrait ses yeux topazes. 3 grenouilles bondissaient au bord du rio. « Est-ce que je me trompe ?» demanda le jeune homme. « Oh non !» s'écria Sabine. « Remarquez que d'instinct nous nous sommes rapprochés de la maison, c'est-à-dire du centre favorable. Ce qui me tonne le plus, c'est en somme qu'il ne s'agit pas d'un instinct proprement social. Nous ne désirons pas nous réunir à d'autres groupes. Les groupes du village ne le désirent pas non plus. Hier, quand j'ai voulu aller seul au bord de l'Yonne, j'ai ressenti, à mesure que je m'éloignais de vous tous, un véritable sentiment de détresse. Nous avons tous été inquiets de votre absence, fit Gérard, comme si vous étiez parti pour un long voyage. Il faut délivrer ce pauvre âne, fit Sabine. Comme s'il n'attendait que ces mots, le vieux jardinier alla ouvrir la porte de l'écurie. L'âne, jeune bête aux yeux frais et aux membres souples, arriva en bondissant. « Bizarre, en effet, dit Gérard, tout pensif. Je crois fermement que l'aventure interstellaire n'est pas terminée. »« Tu ne t'imagines pas qu'un retour soit possible, fit Sabine révoltée. Il y a des millions de chances contre une pour que le flux qui a déferlé sur la planète ne reparaisse point. Mais il y a un résidu. Jusqu'à ce que ce résidu soit complètement expulsé ou absorbé, nous devons nous attendre à des phénomènes insolites, comme ceux auxquels nous assistons. Ce serait délicieux. S'il demeure analogue, sans doute, je crains un changement de signe. « Ne le dites pas, s'exclama Georges. Goûtons en paix ces heures délicieuses. » L'angre ne répondit point. Son inquiétude n'avait guère de force. Ses facultés ombrageuses cédaient à l'ivresse universelle. Dans les jardins et dans les emblaves, la récolte fut extraordinaire. Les fruits atteignirent des dimensions inouïes. On eut des pêches aussi grosses que des oranges de Jérusalem. Les champs de blé ressemblaient à des champs de roseaux. Les feuilles, grasses et vertes, comme le pays des reins, avaient des aspects de feuilles équatoriales. Tout poussait à foison. Les greniers comme les caves allaient déborder. Une magnifique imprévoyance envahissait le cœur des hommes. Un matin, l'Angre et Méral firent coup sur coup deux découvertes excitantes. Le vieillard constata que la bande violette du spectre solaire s'était sensiblement élargie, tandis que Méral remarquait qu'un détecteur d'ondes hertziennes qu'il avait inventé montrait une sensibilité inattendue. « Cela correspond bien à notre hyperesthésie et à l'exagération des croissances végétales, dit Georges. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas constaté auparavant ?» Des essais minutieux montrèrent quelques autres anomalies, mais très faibles. Ainsi, la conductibilité électrique des métaux se trouvait amoindrie. Mais ce phénomène était masqué en pratique parce que les divers appareils, piles, dynamos, machines statiques, avaient un rendement supérieur à la normale. Tout cela, remarquait Gérard, nous laisse en pleine ignorance. Parmi les observations que nous avons faites, pendant et après le désastre, je n'en vois en somme qu'une, qui est un caractère spécifique. Et évidemment, acheva Georges, c'est que seuls les rayons jaunes, orangés et rouges ont résisté. Ils ont reçu un accroissement d'éclat. Les rayons infrarouges aussi. Du moins les plus voisins du spectre visible, car pour les autres, ils ont subi le sort commun, tout comme les ondes hertziennes. Je trouve pourtant quelque chose de bien caractéristique dans le dégagement actuel d'énergie. En effet, le mal de la lumière faisait préjuger que les forces ennemies dévoraient les forces terrestres et solaires. Le résultat montre clairement que l'antagonisme a formé des énergies potentielles. Et justement, cria le vieillard avec dépit, c'est le dégagement de ces formes virtuelles qui devrait nous fournir la clé du mystère. Or, il ne nous donne que des anomalies curieuses, mais banales. Nous n'avons même plus la singulière réfraction qui a marqué le début de l'attaque. C'est exaspérant et c'est ridicule. Nous ne pouvons pas monter sur nos propres épaules, conclut philosophiquement Méral. Les jours suivants furent sans doute les plus beaux qu'ait connus l'espèce humaine. La vie la plus simple, s'emplit de grâces indicibles. Une immense floraison couvrit la terre jusqu'au pôle. Partout les plantes revivaient un nouveau printemps. L'air était lourd de baume. Une tendresse inlassable flottait dans les crépuscules et semblait couler des étoiles. La nature redevenait vierge. Chaque prairie évoquait les savanes. Un bois devenait une forêt. La folle croissance faisait renaître tous les mystères des Genèses. Il y eut un soir plus beau que tous les autres. C'était vers le milieu de la canicule. Après le dîner, la famille s'était réunie sur la terrasse. D'incommensurables sites se creusaient dans les profondeurs de l'Occident. Les contrées chancelantes du nuage simulaient les splendeurs des terres, des eaux, des forêts, des montagnes et jusqu'aux œuvres de l'homme. Il n'y eut pas seulement des lacs et des marécages, des cavernes et des cimes, des fleuves d'améthyste et des golfes de vif argent, des savanes et des brousses. Il y eut aussi des cathédrales, des pyramides, des hauts fourneaux et une nef colossale, un tabernacle nué de soufre, de perles et d'hyacinthes, un amoncellement de chasubles. L'âne et la chèvre rôdaient sur la petite pelouse. Le jardinier s'apercevait, à l'ombre d'un cytise, vieux profil gothique, aux joues creuses et à la barbe cornue, son petit-fils rampait vers la fontaine et le chien se levait par intervalles, en flairant l'étendue, les yeux ardents, comme s'il apercevait des choses invisibles aux hommes. Les passereaux, ivres, enflaient leurs petites cornemuses et chantaient éperdument. Georges se tenait auprès de Sabine. Vêtue de blanc, sa chevelure ramassée en buisson, elle condensait les symboles brillants qui donnent au bonheur la figure de la femme. Chaque lueur de la prunelle, chaque frisson de la nuque argentine, la nacre des dents apparue entre les lèvres écarlates, la caresse de la lumière sur les joues fines ajoutaient des nuances vives à la beauté du soir. En même temps, il sentait ce lien bizarre qui l'unissait à tout le groupe. « Je n'avais jamais été heureux, » murmura Langres. « Et qui l'avait été, » chuchota Georges, « sauf en ces minutes qui passent comme une aile devant une vitre et qui s'évanouissent en ombre. » Qui donc avait connu l'hôte mystérieux que les hommes attendent depuis qu'ils ont de l'imagination? De larges papillons crépusculaires passaient sur leurs ailes cotonneuses. Deux chauves-souris multipliaient leurs méandres devant les vitraux du couchant. Émeral ne cessait de contempler Sabine. Il semblait qu'il fît en quelque manière partie d'elle. Lorsqu'elle se déplaçait, il y avait dans toutes les fibres du jeune homme un passage de courant rapide et délicieux.